Admirez, mesdames et messieurs, admirez ce sol. Aujourd'hui, il est parfaitement bitumé. Mais il n'a pas toujours été comme ça. Et savez-vous qu'on trouve du bitume à l'état naturel? Cette voix semble provenir de l'intérieur de la cabine d'un camion. Bruno, qui passe machinalement un chiffon sur la carrosserie du mastodonte, est en sueur. Il tend l'oreille, puis demande « Birgir, c'est à moi que tu parles ? Bon, tu répliques, hein ?»« Braves gens, regardez ce sol. Aujourd'hui, il est parfaitement bitumé, mais il n'a pas toujours été comme ça. » Et savez-vous qu'on trouve du bitume à l'état naturel? Et des grains de sable partout! Nous sommes en Europe, dans le bassin armoricain, sur un immense parking. Chaque jour, des grandes bétaillères s'y rangent. Ici, l'été, il fait plus chaud qu'ailleurs. Le jour qui nous intéresse est une fournaise de juin. Bruno, qui est là pour guider les convois vers les chaînes d'abattage, s'étonne de ne pas voir son acolyte. Ce qu'il surprend, c'est qu'il a clairement entendu parler, alors même que tous les chauffeurs sont descendus des camions pour aller se rafraîchir. « Birgir, t'es où ? Birgir, t'es énervant ! Les poulets ont soif, il faut pas qu'ils meurent avant d'être tués. Y a pas de temps à perdre, on les entend plus se plaindre, c'est pas bon signe !» Bruno tend à nouveau l'oreille. Il entend, très distinctement, quelque chose, une voix, la même, qui recommence. Non. Regardez ce sol. Il n'a pas toujours été comme ça. L'homme n'a pas inventé la nature. Il l'exploite. Et puis, à une époque, ici, c'était... Birgir, qu'est-ce que tu racontes? Dépêche-toi, ça urge. Birgir! Rien de plus énervant qu'un truc bizarre quand on n'a pas envie de réfléchir. Bruno et Birgir travaillent ensemble depuis une bonne dizaine d'années. Alors, la voix... Ce truc qu'on n'entend jamais, c'est bien la première fois que ça recommence. Birgir, tu te caches? La camelotte ne bouge plus. Birgir, si les coups des poulets pendent par les trous des caisses, t'imagines, on verra bien qu'ils sont crevés. Inquiet, Bruno refait le tour du chargement. Et là, par terre, il voit une chaussure. Son sang ne fait qu'un tour. Birgir, Birgir, bon Dieu! Son collègue est allongé, le dos collé au sol. Bruno s'approche, se penche et se fige. Il n'en croit pas ses yeux. Il voit une tête de poulet sortir entre les boutons de la chemise de Birgir. Se redressant, royal, la crête de travers, la bête dit « Il est mort, le gars !» C'est aussi brutal que vrai. Birgir semble inanimé. Le poulet reprend. Pas étonnant avec une chaleur pareille. Bon, ça n'a pas toujours été comme ça ici. Vous le saviez? Auparavant, il y a des millions d'années, l'océan recouvrait cette immensité. Et son sable serait encore visible si nous creusions. Le sable sur une plage, c'est si beau. J'y pense tout à coup. Les humains, vous en exploitez beaucoup. Vous l'aspirez par des dragues au fond de l'océan pour faire le béton et tout ça. Imaginons, dans une logique de correspondance, si le sable se retirait pour colmater les trous que les humains font au grand large. Ces trous apparaîtraient peut-être ici ou ailleurs, le jour, en pleine nuit, le jour. Oh, ça fait un peu peur, non? J'ai appelé les pompiers, mon Birgir. Tiens bon. Qu'est-ce que vous voulez qu'il tienne? Il est cuit, votre copain. Couchez le poulet. C'est un abattoir ici. Tu sais comment tu vas finir? Comme les autres. Oui, je suis au courant. Je sais ce que c'est qu'un abattoir. J'ai une place dans l'histoire. Si je vole, si je trémolote, c'est pour dire. Ce n'est pas pour perdre le sujet de ma phrase. Je n'ai plus peur. Spectralement parlant, je suis tranquille. Birgir, essaie d'ouvrir les yeux. Oh, toi, sale bête, dégage! Il est cané, votre copain. Ça sert à rien, les petits mots doux, les petites claques, là, ça sert à rien. C'est comme les secours. Enfin, si, ça vous débarrassera du corps. C'est toujours un problème de moi quand même. Surtout quand on n'est pas cannibale. Ferme-la! Si je t'attrape, je te tords le cou. D'où tu parles d'abord? C'est un abattoir de poulets de chair ici. Et toi, t'es quoi? Alors, moi, qui suis allée me poser là, au-dessus de vous, sur le toit de ce camion, il est temps que je me présente. Je suis un condensat. Vous l'écrivez comme vous voulez. Je suis un genre de folie. Mais soyons bons camarades, Bruno. Voyons, je me fais un plaisir de parler avec vous. Alors, une question. D'après vous, la chaîne de production, est-ce qu'il faut la concevoir comme une destruction comptabilisable, jour après jour, qui n'a rien de mystérieux? Oui? Non? Réfléchissez. Réfléchissez bien. Souvenez-vous que l'évidence peut disparaître. Birgir, Birgir, Birgir, tiens le coup, mon Birgir. Oh, Bruno, il faudrait vraiment apprendre à admettre un contexte. Il est mort, et puis vous savez ce que c'est que la mort dans un abattoir. Alors, essayez de vous ouvrir à ce que vous êtes en train de vivre. Écoutez-moi plutôt, je viens d'un phénomène d'érosion. De condensation. Vous connaissez le principe du sable, qui provient des roches, frappées par les vagues, qui se fragilisent et s'effritent. Mais ça n'a pas l'air de vous intéresser. Couchez, sale poulet, couchez! Je continue. L'érosion et le dépôt de sable s'est fait sur des centaines de milliers d'années, petit à petit, grain à grain. Ici, aujourd'hui, ce sont des tueries, des millions de vies, de corps, des ossées fracassés en beaucoup moins de temps. Étant donné le volume, si je puis dire, de la quantité de victimes, chapeau, à chapeau, mais savez-vous ce qui restera de cet exploit? Je vais aller chercher la carabine, la ferme, avec ton cou là tout amoché. Tiens oui, mon cou abîmé, amoché, eu égard aux conditions de vie, parce qu'il y aurait beaucoup à dire sur les élevages. Mais je comprends que je fasse peur. Je représente un condensat de ces millions de poulets, entassés, enfermés, qui vivent quelques pauvres semaines avant d'être tués, ébouillantés, déplumés, par des machines qui sont réglées pour dézinguer et éclater des corps d'oiseaux pour faire des nuggets. Et alors? Je dérange, je comprends. Sur les chaînes de production, tout est misé sur les pensées machinales. Et puis un jour, comme des bulles qui s'envoleraient d'un savon, il y a une ou deux pensées qui s'échappent du tapis roulant. D'autres fois, c'est un grain de sable qui empêche de tourner en rond. Un cri apparaît. Un cri de vie. Un cri d'énergie. Alors je suis là. Ce sont les évasions d'idées qui créent les condensats et les folies qui pensent. Je cause. Je fais mon reporter, mon intéressant. Je m'adresse à tout le monde. J'informe. Je me crois dans un documentaire. Et j'en profite pour vous dire que nous étions là bien avant vous dans l'échelle de l'évolution. Car nous étions des dinosaures. Eh oui, nous les poulets, nous étions des dinosaures. Eh oui, l'évolution, ça change les échelles, tout peut arriver. Eh oui, d'ailleurs quand vous, les humains, vous aurez tout détruit, vous ne pourrez plus vivre, car il faudrait s'adapter vraiment très vite. Tandis que la nature, elle se refera une beauté. Elle récupérera son sable, grain par grain, ses abeilles, ses oiseaux, ses vers de terre, ses hérissons, ses baleines. Je vais te flinguer. C'est déjà fait, Bruno. Et au fait, et à propos d'aujourd'hui, une fois mort de soif, tous ces oiseaux du camion, leur prix, c'est combien ? Alors que mort sur la chaîne de production, le prix en gros peut monter jusqu'à... Et la différence, elle est pour qui ? Elle est pour quoi ? Et inversement ? Tu dépasses les bornes, poulet ! Maintenant, t'as un problème avec l'argent ? Et du birguir, là, de ton copain mort de soif ? T'en donnes combien ? Tu es indécent ! Tu ne respectes rien, ni la vie, ni la mort, rien. Alors ça c'est dingue. C'est alors que les pompiers arrivent et embarquent à toute vitesse le pauvre Birguir qui ne bouge vraiment plus. Hébété, Bruno s'efforce de regarder au-dessus du camion. Il se demande ce qui arrive. Il a envie de tout casser et cherche l'oiseau comme un dément. Il se met à penser avec regret et chagrin à ce bon Birguir. Il s'arrache les cheveux en disant « Qu'est-ce qu'il faut comprendre de cette histoire de nature qui survivrait aux humains ?»« Birguir, c'est pas vrai !»